Bouclez cette deuxième partie avec, pour commencer, donc des précisions complémentaires sur l'idée de fracture numérique et ségrégation technologique. Bien sûr, lorsqu'on parle d'inégalité, qu'on essaie de comprendre leur existence, se pose donc aussi la question de savoir comment potentiellement dépasser ces inégalités, comment essayer de les contourner, de les diminuer, de faire en sorte en fait qu'il y ait un peu plus d'égalité possible. Donc plusieurs propositions à ce sujet-là, ou plusieurs tentatives qui sont faites en entreprise, mais aussi par les politiques, entre autres. D'abord sur l'idée donc de fracture du second degré, c'est-à-dire liée aux usages. L'une des idées principales développées à ce sujet-là, c'est celle de culture du transfert, c'est-à-dire d'encourager en fait comme quasiment un réflexe automatique le fait de conseiller les autres ou de partager ces nouvelles connaissances. Et ça vaut autant en lieu d'apprentissage, c'est-à-dire au sein des formations, qui est de dire mais il y a tel nouvel outil que j'ai vu passer, etc. Donc de quelque part promouvoir en fait les nouveautés technologiques, mais les promouvoir dans un sens où c'est pas que je fais de la publicité pour la technologie, c'est plutôt que je permets aussi aux autres de pouvoir suivre le mouvement. Et cette culture-là du transfert, elle est aussi fortement encouragée en entreprise, puisque notamment on va se poser la question des différences générationnelles entre donc déjà des employés, salariés ou des gens du personnel en général qui ont dû s'adapter, passer de la culture du papier à la culture informatique. Ça commence à faire quelques décennies, mais ça a quand même déjà été un gros changement. Où là, donc, on les incite de plus en plus à utiliser des technologies collaboratives, avec des wikis, avec des Dropbox, avec des Google Documents, etc., avec lesquels ils ne sont pas nécessairement très familiers de façon spontanée. Et donc, on va encourager les différentes générations à, là encore, transférer leurs connaissances ou échanger sur leur façon de gérer les données numériques. Donc, il va y avoir un encouragement du transfert de « je connais telle plateforme, je connais tel outil de veille, etc. » mais aussi de « voilà comment moi je m'organise pour classer, trier le nombre immense de données qu'on peut potentiellement trouver sur le web, qui fait en sorte que tel blog n'est pas crédible, tel influenceur, tel compte qui serait censé être un influenceur, je sais que c'est un bot, etc., etc. Donc, il permet de donner des repères, en fait, dans ce qui est valorisable ou pas dans l'espace numérique. Ce que l'on va aussi encourager, notamment au milieu d'entreprise, c'est donc dans cette idée de travail collaboratif, de culture collaborative en entreprise, c'est de développer des façons de faire, notamment donc en partageant tout ce qui va être de l'ordre de justement des Google Documents, des Dropbox, etc. Toutes ces façons donc de classer l'information et de travailler de façon simultanée à plusieurs sur un document ou sur certaines données. On va faire en sorte en fait de s'inspirer des bons exemples, donc d'une entreprise à l'autre aussi, il y ait des transferts possibles. Ce qui va faire en sorte que dans un secteur d'activité ou dans tel secteur professionnel, en communication interne, en communication politique, en relations médias, etc., les professionnels vont aussi tenter, que ce soit par des formations ou dans leurs associations professionnelles, de mettre en avant les nouvelles façons de travailler qui fonctionnent grâce au numérique. L'un des exemples en fait de cette recherche-là qui est faite pour essayer de combler les inégalités en fait, c'est à travers l'idée d'espace public numérique, expérience qui a été menée en Wallonie. bénévoles qui ont cherché à en mettre en commun leurs données et leur façon de travailler. Et quand on dit mettre en commun, c'est que par exemple pour des musées communaux ou régionaux, comment avaient-ils numérisé leur collection? Ou comme on le voyait dans la précédente séance, dans quelle mesure ils avaient donné accès ou pas au grand public à leur collection? Comment ils avaient classé leurs données? Quel type de logiciel ils avaient utilisé pour numériser, pour archiver, etc., etc. Et donc, on incite, au sein de ces espaces publics numériques, on incite les entreprises dans le même secteur d'activité à développer ce que l'on appelle des bibliothèques transversales, c'est-à-dire des lieux communs où on va regrouper les données, où on va regrouper en fait les documents de ce secteur d'activité. Donc plusieurs musées, par exemple, vont créer une sorte de bibliothèque transversale, c'est-à-dire en fait une base, une banque de données, dans laquelle elle va à la fois mettre sa collection, dans laquelle un musée d'une autre région va également mettre sa collection, ou du moins la partie de sa collection qui est numérisée, et qui vont faire en sorte qu'elles vont partager en fait leur manière de classer l'information, mais aussi de la rendre publique. Donc l'idée de partager les façons de faire par secteur d'activité, par type d'entreprise, par secteur professionnel, elle fait partie aussi de cette culture du transfert que l'on veut développer pour combler les inégalités technologiques. Dans tous les cas, l'un des enjeux, c'est de permettre au maximum de personnes de maîtriser les codes des différentes plateformes du milieu numérique dans lequel on va être. Donc c'est par exemple d'être conscient de tout ce dont on a parlé depuis le début du quadrimestre sur le fait que on est dans un jeu de mise en scène de soi, qu'on laisse des traces numériques, qu'on a un certain contrôle sur la visibilité, mais pas toujours autant qu'on croit, qu'on crée des identités numériques, qu'on crée de l'irréputation, donc une réputation en ligne aussi, et qu'il y a sur les dispositifs numériques des nouveaux formats d'écriture qui font que on écrit davantage sur soi, on dévoile notre extimité, donc on va publier par exemple des images que jusque-là on réservait vraiment à la sphère privée, qui là vont davantage transiter sur la sphère publique, de façon limitée, parce que juste avec nos connaissances, mais quand même nos connaissances quand on en a 350, 800 ou 1000, c'est un peu plus que le cercle à qui, par exemple, on aurait envoyé habituellement des photos de du petit chien qu'on vient d'adopter ou du nouveau restaurant où on a été manger la veille. Donc, toutes ces données-là, en fait, elles vont faire partie de l'apprentissage des codes, de la maîtrise des codes qui va être en jeu dans cette lutte contre les inégalités. Donc des formats d'écriture particuliers, des normes d'interaction aussi qui sont particulières, puisque selon les dispositifs, on va avoir des échanges plus ou moins fréquents, plus ou moins personnels et directs avec les autres usagers. Et que, comme on va le voir un petit peu plus avant, mais notamment quand il est question d'irréputation, si en tant que gestionnaire de communauté ou en tant que personne qui a accès aux réseaux sociaux de son entreprise, on fait une gaffe sur un des réseaux, généralement il y a fort à parier que la gaffe elle va se répercuter, même si ce n'est pas forcément avec une mauvaise intention de la part des gens qui la répercutent, mais ça peut être colo, ça peut nous mettre dans l'embarras, ou ça peut carrément se transformer en bashing qui, donc là, va en termes de communication être une crise à surmonter. Toutes ces les formats d'écriture, les normes d'interaction qui font que, par exemple, si on a des trolls qui se mettent à intervenir sur notre fil Twitter ou autre de l'entreprise pour laquelle on gère les médias sociaux, on ne va pas perdre notre temps à répondre systématiquement ou à s'énerver ou à insulter parce que c'est la meilleure façon d'alimenter en fait, la chose. De la même manière, si on a publié un contenu qui a été critiqué, auparavant, le réflexe des premiers community managers ou personnes à qui on demandait de gérer ça, c'était d'effacer le contenu. Or, quelques minutes après, quelqu'un qui avait fait une capture d'écran dénonçait le fait qu'il y a de la censure, etc. Donc on ne fait plus ça. Donc toutes ces choses-là qui font partie des règles, ça fait partie d'une sorte de nouvelle rhétorique aussi du numérique. Et donc, pour maîtriser les codes, on a à connaître ou à essayer de faire connaître aussi une sorte de ce qu'on pourrait appeler une littératie numérique. Comme on parle de littératie médiatique, c'est-à-dire en fait de connaissance du fonctionnement des formats, mais aussi de la manière de comprendre les dispositifs numériques en général. Donc, c'est-à-dire le bagage de connaissances nécessaire pour bien comprendre ce qui est en jeu et comment se comporter sur les dispositifs numériques. Donc là encore, ces points-là d'essayer de maîtriser les règles, d'être conscient du degré variable de contrôle qu'on a sur la visibilité ou pas, des normes d'interaction, des formats d'écriture, etc. C'est aussi en lien avec cette volonté de transfert de connaissances pour combler les inégalités. Ces enjeux-là sont reliés aussi à ce qu'on voyait dans le texte de Ben Youssef au début, c'est-à-dire à ce défi en fait, qui serait que si quelqu'un en fait, qui est capable d'avoir des usages efficaces du numérique, est-ce qu'il y a des questions ? Quelqu'un qui est capable d'avoir une connaissance efficace des dispositifs numériques va donc être en position de pouvoir et va également disposer potentiellement d'un capital à la fois culturel, technique, mais aussi valorisable économiquement parlant. Et donc, dans la réflexion sur la fracture numérique, sur les inégalités, il y a aussi cette question de est-ce qu'il n'y a pas une forme d'élitisme en fait qui se crée, ou une forme de classe entre ceux qui maîtrisent bien, qui comprennent bien comment ça marche, et ceux qui soit n'ont pas accès, soit ne comprennent pas justement comment ça marche parce qu'on ne leur a pas expliqué ou parce qu'ils ne savent pas où trouver l'information, et qui sont donc un peu plus à la remorque, voire à la merci en fait, des gens qui contrôlent bien ça. Et ici, en fait, il y a donc un enjeu de connaissance des moyens de communication, mais qui s'est posé de façon régulière dans l'histoire de la communication, qui fait que si on est capable de comprendre les enjeux liés à la télévision, la radio, etc., on est mieux capable de filtrer les types d'informations qu'on reçoit et peut-être aussi de déconstruire l'influence qu'on subit potentiellement. Et ici, en fait, cette question, de façon générale sur les inégalités et de façon particulière sur l'élitisme, elle se rattache aussi à ce qu'on appelait la promesse de rédemption de la communication à la fin des années 90, qui était l'enthousiasme gigantesque, en fait, que le développement d'Internet suscitait, qui faisait en sorte que l'on pensait que le web et Internet, de façon plus basique, allait permettre donc à tout le monde d'avoir accès à l'information, allait créer ce grand village global qui faisait en sorte que où qu'on soit dans le monde, quelle que soit notre éducation, notre niveau économique, etc., etc., avec un ordinateur et un accès, on allait avoir le même pouvoir en fait que tout le monde. Or, comme on le voit, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et cela pour plusieurs raisons. Et l'un des effets pervers aussi de cette potentielle forme d'élitisme, ce sont les phénomènes d'autoségrégation ou d'isolement qui font en sorte que des gens qui sont moins à l'aise avec certaines technologies, avec certaines normes, vont volontairement en fait se sortir des réseaux, soit ne pas utiliser certains réseaux, parce qu'ils s'y sentent à risque ou parce qu'ils vont avoir l'impression, ils vont de toute façon avoir l'impression d'être trop à la traîne et donc de ne pas pouvoir en fait utiliser ces dispositifs-là de la bonne manière, donc d'avoir en fait, ils vont quasiment s'auto-fracturer en second degré, c'est-à-dire que alors qu'ils pourraient avoir accès physiquement à la technologie, ils vont délibérément s'en sortir parce que potentiellement ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'en faire un bon usage. Ici, on est, je fais un parallèle un peu acrobatique, mais on pourrait être dans une sorte d'idée en fait, qui rejoindrait la spirale du silence de Noël Neumann, où vous savez, quand on pense que, de toute façon, donc, ce qu'on pense ou ce dont on est convaincu, c'est pas valorisé ou c'est pas ce qu'il faut penser, bah, alors on a tendance à le garder pour soi, et donc potentiellement ça peut même former une majorité silencieuse qui pense que, comme elle n'a pas le droit d'exprimer cette idée, bah, elle ne dit rien et elle va voter, par exemple, autrement ou contrairement à ce qu'elle pense. Ici, ce serait un peu dans cette idée-là que finalement, bah, on va s'auto-censurer parce qu'on pense qu'on n'est pas capable ou qu'on ne connaît pas bien les codes, et donc on va de soi-même déserter certains espaces numériques. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais un des enjeux, c'est vraiment cette transmission des codes. Donc certains plaident pour faire passer en milieu d'enseignement, avec de la pédagogie, donc que ce soit aussi en entreprise ou dans son cercle informel. Donc on essaye justement de faire en sorte que tout le monde puisse essayer d'augmenter, d'améliorer son capital technique et culturel, selon ses goûts aussi. Tout le monde n'est pas passionné et tout le monde n'a pas nécessairement envie ou besoin de maîtriser l'environnement numérique, mais par contre être en position de comprendre ce qui s'y joue et de pouvoir y jouer un rôle peut être important. Et il y a cette idée aussi donc, de transmission intergénérationnelle, où comme je disais, il y a un jeu à la fois en entreprise, mais aussi, comme vous l'avez mentionné spontanément, en fait, au sein de nos familles, par exemple, où ça fait en sorte que, selon les générations, ça nous est déjà plus facile de comprendre certains dispositifs que nos parents, nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents. Donc, où on a où en fait, ça met sur les générations qui sont de façon spontanée et de façon native, habituées à cet environnement-là, la responsabilité d'expliquer aux générations précédentes comment faire sa déclaration d'impôt ou comment transmettre tel document en PDF parce qu'on n'accepte plus les documents par la poste à telle administration, etc. etc. Donc on a parlé ici de ségrégation, fracture, inégalité numérique. La dernière notion sur laquelle je voulais insister dans le cadre du cours, c'est la notion qu'on appelle d'homme-document. En fait, on a semé, ça et là, plusieurs des éléments de cet homme-document au fil du quatrimestre. Vous aviez donc un autre texte qui est cité en référence et qui est disponible dans l'UV, et qui s'intitule « L'homme est un document comme les autres ». Et en fait, dans ce texte-là, il y a justement cette réflexion sur le fait que sur ces fameuses traces numériques qu'on va laisser partout de nous, qui fait en sorte que toutes ces traces-là, elles font de nous un document d'études, de consommation pour les entreprises qui font que on a associé à nous des habitudes de fréquentation de certains sites, d'achats que l'on a fait en ligne, qui font que on va s'adresser à nous avec certaines publicités plutôt que d'autres, etc., etc. Donc, sur cette nature, ou plutôt sur ce phénomène d'homme-document, lié au numérique, ce qu'il faut retenir, c'est le phénomène qui est appelé d'indexation, c'est-à-dire en gros de référencement, qui fait que, par exemple, quand vous allez taper votre nom dans Google, eh bien, les références à votre sujet, la façon dont vous allez être indexé, va varier selon les moteurs de recherche, où vous vous trouvez dans le monde, à quelle heure vous connectez, ce que vous avez cherché auparavant, mais qu'il va y avoir vraiment un classement, en fait, des différentes données, des différentes pages qui apparaissent sur vous, qui fait en sorte qu'il va peut-être y avoir votre profil LinkedIn, ou pas si vous l'avez créé il y a très peu de temps et que donc il n'est pas encore remonté, mais il va y avoir votre profil Facebook en premier. Si vous avez Facebook plutôt que LinkedIn et que vous êtes en train de chercher du travail, c'est d'avoir l'inverse. numérique que vous avez laissée qui va être particulier. Ce placement d'âme de vos données numériques, de vos traces, c'est ce qu'on va appeler donc ça fait écho plutôt à l'idée de référencement et donc à l'indexation. Et c'est l'idée aussi, l'homme document, que l'on va en permanence, plus on met d'informations sur nous, plus on aime des choses, plus on met des commentaires, des critiques sur un site de cinéma ou autre. C'est l'idée qu'on va en permanence redocumentariser notre existence en ligne. Donc on ajoute toujours des données qui font en sorte qu'on complète notre identité numérique et que, en fonction de ce qu'on complète, ben on change un peu l'ordre des références qui sont données de nous. Et que donc, selon les époques, ben on va avoir donc notre profil LinkedIn, la page de notre entreprise, notre photo de diplômé de l'ULB, prise à tel moment, etc., qui va apparaître avant d'autres données. Et donc, ces phénomènes d'indexation, des référencements, font aussi en sorte que on doit avoir, parce qu'on est un document comme les autres, on doit avoir une certaine vigilance aussi, surtout quand on travaille en information communication. Une certaine vigilance à ce qui existe de nous ou à l'image de nous qui existe en ligne. Donc c'est pas inutile et c'est pas narcissique au sens pathologique du terme que de se chercher de temps en temps sur Google parce que ça vaut la peine aussi, parce que forcément une autre entreprise, un collègue ou etc. qui vous chercherait juste parce qu'il a rendez-vous avec vous et veut savoir à quoi vous ressemblez, les premières choses qu'il va voir apparaître pour vous dans le classement, c'est aussi peut-être qu'il va donner qui va conditionner sa première impression de vous. Dans ce phénomène d'indexation, donc de classement de nos données et de redocumentarisation qui vont faire en sorte qu'on ajoute des données à notre sujet, des photos, des traces de nous, qu'on essaye peut-être d'influencer un petit peu l'image qui transparaît de nous, vont se développer aussi ce que l'on appelle des folksonomies. Donc folksonomie, c'est ici le terme tel quel, enfin qui est la traduction littérale de l'anglais. En français, on parle d'indexation personnelle. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu dans des textes ou autres ce terme de folksonomie, saurait le définir rapidement ou savoir à quoi ça fait écho? Ok, donc c'est l'idée, en fait, que les internautes, les usagers du web, vont classer avec leur propre catégorie, avec des catégories qu'ils créent, des données. Donc c'est un classement, c'est-à-dire c'est un classement spontané créé par les usagers avec leur propre catégorie. De façon concrète, les lieux où vont apparaître des folksonomies, ce sont des lieux en fait de partage de documents qui sont généralement de la vidéo, de la photo ou de l'audiovisuel de façon générale, mais où par exemple, donc, que ce soit Flickr ou d'autres, on va créer donc des dossiers, des albums que l'on va intituler. Et donc, on crée une sorte de bibliothèque, en fait, ou presque de magazine, que l'on va partager avec d'autres. Et il y a donc une sorte de création collective de catégories qui va se faire. Et en fait, ces espaces-là, où on va indexer avec nos propres mots, en fait, finalement, les choses, et où ce n'est pas la timeline de Facebook, par exemple, qui intitule telle photo ou tel événement avec ces termes, c'est vous qui choisissez que tel groupe de photos, ça constitue tel album, c'est telle thématique, etc. Donc vous avez un peu plus de choix. Mais ça, cette indexation personnelle, ça fait aussi en sorte qu'il y a une marge de manœuvre, une zone de contrôle que vous avez sur les données qui vous concernent. Oui. Je dirais ce qui rentre dans fait, je cite Flickr parce que de façon basique, c'est le premier exemple vraiment frappant qui s'est développé dans ce registre-là, qui a donné lieu à cette typologie, qui avant n'était pas utilisée en fait. Donc c'est Flickr qui a été, par observation, qui a fait en sorte que les auteurs en communication ont réfléchi à cette idée-là que, tiens, dans les dispositifs numériques, il y a cette capacité-là que les usagers vont faire de créer des catégories. Un peu comme quand on fait un parallèle avec le cours de métaux, un peu comme quand on fait de l'analyse de contenu, n'est-ce pas ? Et qu'on crée ses propres catégories thématiques pour analyser des contenus, et bien ici, on crée ses propres catégories pour classer différents types de contenus. Donc, autrement dit, vous faites de l'analyse de contenu quasiment instinctivement. Lorsque vous êtes sur des plateformes collaboratives ou des plateformes, en tout cas, de classement créatif de ce type-là. Donc, l'une des questions qui se pose, en fait, et qui est posée dans le texte de Olivier Hertzscheidt, pour animer sa discussion, sa réflexion autour de cette notion d'homme-document, c'est le fait que, aussi, donc, cette idée de documentarisation qui part du fait que jusque-là, donc, pour s'informer, on allait s'informer généralement aux grands médias ou dans des organisations médiatiques ou d'information centralisées. Donc là, on parle grands médias d'un côté, mais après ça, ça peut être Office du tourisme ou autre, ou Chambre du commerce, où on veut de l'information sur quelque chose, on va voir une institution qui, d'après nous, rassemble l'information là-dessus. Et le deuxième... la deuxième source d'information pour nous, c'était aussi notre entourage, donc le réseau familial, les amis, les voisins, les collègues. Et en fait, la réflexion que fait l'auteur, elle part du fait que autant les premiers, donc les grands médias ou les grandes institutions d'information, on les avait déjà numérisées, au sens où elles se sont créées des sites web, elles ont mis leurs archives en ligne, elles ont donné un accès en fait numérique à leurs données. Et le deuxième groupe, donc nos entourages, c'est notamment Facebook qui a fait en sorte que on les a aussi au fur et à mesure numérisés. C'est-à-dire qu'on a les archives de toutes nos interactions avec ces membres de l'entourage qui eux aussi utilisent des dispositifs. Ça, c'était complètement nouveau. Parce que jusque-là, on n'avait pas de traces ou de numérisation volontaire de ces choses-là. On faisait des albums photos, on se rappelait des anecdotes, etc. Mais tout ça restait en fait volatile et dans la sphère du privé. Donc ici, le questionnement sur l'homme-document vient aussi du fait que c'est de se poser la question que ce qui était au départ une numérisation plutôt technique, c'est-à-dire que on était l'Institut National de Statistique XY ou le journal Le Soir et que nos consommateurs, il y a les sites internet qui sont développés, donc à un moment donné on met un budget, on numérise les choses et on donne l'accès en ligne parce qu'on a la capacité technique de le faire et parce que les usages de lecture, de consultation ont changé parce qu'il y a eu une informatisation. Donc cette première étape-là, elle aurait donné lieu en fait et incité à ce qu'il y ait une socio-numérisation, c'est-à-dire qu'on va aussi numériser nos interactions sociales. Alors on ne les numérise pas dans le sens de tiens, je vais interagir et toutes les deux secondes faire des photos, je regarde Arnaud, mais. donc faire des photos ou chercher systématiquement à noter en fait, à transcrire ce que je fais, mais par contre on va prendre des selfies, on va créer des événements Facebook auxquels on va s'inscrire, donc il va y avoir des traces de je suis intéressé, j'y vais pas, on va avoir dans toutes sortes en fait une sorte de registre finalement de nos activités sociales qui va être numérisé. Et ça c'est nouveau aussi, et ça s'inscrit dans l'idée que en fait ferait partie de notre humanité maintenant le fait aussi qu'on est documenté, qu'on existe en tant que document numérique. Bon, après après, on n'est pas dans une perspective de... oui, on n'est pas dans une... je ne ferai pas ici de fiction de « on est des hommes à moitié bioniques, numériques, etc. » Mais sauf qu'il y a cette réalité-là aussi qui est liée au numérique et qui est... bah, qui fait partie de notre quotidien dans nombre de sociétés. L'autre point qui est un petit peu en lien avec cette idée de d'homme document, c'est aussi un autre texte qui était en référence, que vous trouverez en référence dans l'UV, qui porte lui sur l'irréputation. Alors, réputation, on en a parlé à un moment donné du cadre, ça fait plusieurs mois. Mais en fait, ici, ce que je voulais souligner, c'est que il y a vraiment des enjeux stratégiques et marchands qui sont liés au fait que l'ensemble des traces numériques qu'on laisse, et que laissent donc aussi des entreprises, des organisations, des personnalités publiques, mais des individus en général, toutes ces traces numériques-là, donc elles forment des identités numériques et des réputations en ligne. Et que ces réputations-là en ligne, nos identités numériques, elles valent quelque chose, elles ont une valeur pour les entreprises. C'est pas pour rien que Facebook est gratuit, comme vous le savez, c'est parce que Facebook peut vendre des données sur nous à des annonceurs, etc. Et que donc il y a un système de cotation et de valeur économique qui existe et qui se développe donc à partir de la irréputation aussi. J'avais préparé d'autres questions donc, qui impliquaient l'utilisation de l'accès à l'UV, mais j'imagine que ça ne fonctionne pas. Voilà. En fait, dans le texte, l'auteur donc, insiste sur plusieurs acteurs qui jouent des rôles particuliers dans le développement de l'irréputation, donc de cette réputation en ligne. Parmi les acteurs sur lesquels il insiste, il y a notamment les community managers, mais il y a aussi les influenceurs, autrement dit les leaders d'opinion version en ligne, qui sont moins formalisés et qui sont plus, qui ont dans les idées, dans les identités, pardon, dans les rôles, sont plus fragmentés, plus fluctuants que ne l'était le concept de leader d'opinion au départ. Donc influenceur, un peu plus mouvant, statut qui peut changer parce qu'on peut être aussi un influenceur dans le secteur culturel, mais pas du tout pour le secteur politique par exemple. Donc, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou autre, les entreprises du secteur culturel ont plutôt intérêt à me citer ou à me taguer dans leurs publications. Mais par contre, dans plein d'autres secteurs d'activité économique, ce n'est pas du tout le cas. Mon influence peut varier aussi selon les périodes, etc. Alors que le leader d'opinion, c'était donc, conceptuellement parlant, quelque chose de beaucoup plus fixe et beaucoup plus à long terme. Donc, dans les acteurs participant principalement à la réputation, pardon, il y a ces influenceurs, donc, c'est-à-dire ces personnes que l'on doit cibler pour participer à notre réputation en ligne, qui font en sorte que si je suis une entreprise, je vais reprendre l'exemple des entreprises, des industries culturelles qu'on avait vues ensemble au cours du passé. Je suis l'Opéra de Paris, je fais ma communication en ligne, je vais annoncer le lancement de la troisième scène, par exemple, donc l'espace de création numérique que l'on avait vu ensemble. Mais je vais avoir tout intérêt, quand je vais annoncer ça sur les réseaux sociaux, à taguer justement les principaux magazines culturels, certains critiques de danse en particulier, mais aussi certains subventionneurs publics ou privés, certains mécènes donc, et j'ai pas intérêt à en oublier parce que sinon je vais en vexer certains, etc. Donc j'ai intérêt à avoir une liste, et là on est plus dans les relations médias, mais à avoir une liste à jour et complète des personnes influentes qui vont donc être capables aussi de repartager et de maximiser ma visibilité. Mais ça veut dire aussi, quand on parle en termes d'irréputation, que non seulement on cherche à avoir plus de visibilité, mais on cherche aussi à profiter de l'irréputation de ces gens-là. Parce que quand ils repartagent notre information, ça veut dire qu'ils la cautionnent, et ça veut dire qu'ils associent leur propre réputation, qu'on espère positive, hein, sinon on ne les cite pas, à la nôtre. Donc il y a cette idée aussi que finalement on va toujours essayer d'avoir une plus-value en termes de réputation en s'associant, en associant notre nom à ces influenceurs. Donc dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui cherche en fait à finalement s'accrocher à des influenceurs, à bénéficier de leur réputation à eux déjà. Et d'un autre côté, les seconds acteurs plutôt, sur lesquels insiste l'auteur, ce sont donc les community managers. Parce que ce sont eux, et là on est plus en interne, ce sont eux qui vont créer, entretenir et développer l'irréputation de l'entreprise. En faisant en sorte, par exemple, d'instaurer un dialogue sur un ton convivial avec le public, en faisant en sorte de réagir rapidement quand il y a des plaintes, parce qu'ils vont faire le lien entre le service à la clientèle et les personnes qui sont en train de protester sur les réseaux sociaux, parce qu'ils vont répondre aux médias ou en tout cas alerter les personnes en interne, aux services médias, etc., qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le web, donc ils vont faire de la veille. Et également parce qu'on compte sur eux pour ne pas publier n'importe quoi et pour tenir un discours qui ressemble à l'identité de l'entreprise. Donc c'est eux, là ce sont les constructeurs qui viennent de l'interne, de préférence, de l'entreprise en tant que telle. Et dans les enjeux de veille et d'analyse des données numériques liées à la réputation, on va avoir l'un des enjeux qui va être de gérer en fait l'énorme volume de données que l'on a à disposition, qui fait en sorte qu'on va avoir parlé de nous, ou qu'il va y avoir des petites traces qui nous citent à des endroits différents, mais qui ne vont pas forcément avoir une valeur à analyser pour nous. Donc, quelle va être la distinction qu'on va faire entre, par exemple, le fait qu'il y a un influenceur important qui a peut-être juste aimé ou repartagé juste une fois un de nos contenus, et où ça va avoir eu en termes de réputation un impact très fort, versus des bots qui vont avoir repartagé, ou des personnes lambda qui en fait ne publient jamais rien, qui vont avoir repartagé du contenu sur nous juste une fois, ou des personnes qui nous suivent, des clients qui vont repartager chaque semaine le contenu que nous on va publier, donc ils sont plutôt dans une sorte de fidélisation en termes de suivi numérique. Donc, ces enjeux-là, c'est d'une part de savoir comment, quels outils de veille on va utiliser, quels outils de veille on va utiliser en fonction de leur prix et donc du budget dont on dispose, et quelles sont les informations, les types d'informations qui sont importantes pour nous, selon notre secteur d'activité, selon nos objectifs de communication. Qui font en sorte que donc, d'un secteur à l'autre, on ne va pas du tout avoir les mêmes objectifs, on ne va pas du tout suivre les mêmes types de comptes, et que parfois d'une campagne à l'autre, on va aussi ajuster la façon dont on fait la veille. J'imagine que vous avez vu passer le scandale il y a quelques semaines de United Airlines qui avait sorti de force un des passagers en surbooking. Ici c'est un lien vers donc, un article du Huffington Post qui reprend en fait la vidéo de cette sortie manu militari du passager. Comme vous l'avez donc sûrement observé, la dénonciation en fait, de cet événement-là s'est fait essentiellement au départ par les réseaux sociaux. Ce sont des passagers qui ont filmé l'intervention, qui l'ont partagé sur Facebook, mais aussi beaucoup sur Twitter, ce qui a tourné, ce qui a conduit notamment donc, le CEO de United Airlines à publier un communiqué via Twitter qu'il a publié donc aussi sur les plateformes traditionnelles, mais aussi via Twitter, s'excusant pour le désagrément et pour avoir dû réaccommoder le passager en question, et donc disant qu'il y avait une enquête qui allait être ouverte pour éviter que ça ne se reproduise et qu'il cherchait à contacter le passager pour parler avec lui. Depuis, si vous avez suivi aussi un petit peu ce qui a rebondi, donc United Airlines a déclaré qu'il donnerait désormais 10 000 dollars aux passagers qui seraient d'accord en cas de overbooking pour volontairement descendre du vol. Et Delta Airlines, donc qui n'a rien à voir avec United, mais a aussi embarqué en fait dans ce truc-là. Et donc en fait, d'autres compagnies concurrentes ont surfé sur la vague pour eux, donc parce qu'ils n'ont pas eu le droit au bashing que United a suscité et qu'il n'y a pas eu de tragédie en fait du même genre. Mais par contre, en fait, ils ont utilisé ce scandale-là et la gestion de communication qui avait été faite, qui a été à peu près quand même désastreuse parce qu'il n'y a pas eu, de prise en compte, de prise de contact direct avec le passager. Il n'y a eu aucune explication de lancer. S'il n'y avait pas eu des internautes, si ça n'avait pas commencé à tourner, il n'y aurait pas eu de réaction non plus directe. Donc la gestion de crise a vraiment été à la remorque totale de ce qu'il peut faire. Mais donc, Delta s'est servi de ce dérapage-là et de cette crise-là, finalement, pour anticiper et désamorcer à l'avance ce type de situation. Donc, et ici, très clairement, les autres compagnies aussi, même si elles n'ont pas, capitalisé sur l'événement en direct parce qu'elles n'ont pas moqué ce qu'était en train de faire United ou elles n'ont pas dénoncé ça en direct, mais par contre, dans les jours suivants, ont, sur leurs réseaux sociaux notamment, souligné le fait qu'eux, ils encadraient de tels événements peuvent arriver, le surbooking peut arriver, mais chez nous, on n'emploie pas la manière forte, etc., pour gérer ce genre de situation, etc., etc. Donc en fait, la veille numérique qu'ils avaient faite, les a incités à, sur le plan du community manager, à en fait anticiper une communication sur cette thématique du surbooking, qui jusque-là en fait n'était pas du tout un axe de communication qui avait été déterminé en priorité à ce moment-là. Et pour finir, parce que c'est l'heure, on a parlé d'écriture de soi, de mise en scène de soi au long du quadrimestre. Une des données qui change entre le fait d'écrire sur soi, de se présenter avec une identité numérique, de construire une identité en ligne, c'est que habituellement, quand on écrit sur soi, quand on se présente à un entretien pour une embauche ou pour un examen, etc., on a le temps de la réflexion et on construit sur plus ou moins du long terme, en fait, notre image. Donc on utilise une forme de réflexivité, on réfléchit, on s'analyse pour voir quels sont les côtés qu'on va mettre en avant, quels sont ceux peut-être qu'on va forcément nous demander par exemple sur l'entretien d'embauche, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Alors qualité, je suis très soigneuse, à l'heure, etc. Défaut, je suis perfectionniste. Donc tout ce genre de choses-là, on va le préparer à l'avance et on va s'observer pour cela. Or, lorsqu'on construit son identité en ligne, lorsqu'on est dans une dynamique de présentation de soi en ligne, on est dans une temporalité complètement différente. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut réfléchir, mais si on réfléchit trop, on passe l'actualité. Donc par exemple, ce qu'on voulait repartager sur Facebook parce qu'on pense que ça correspond un peu à l'esprit de notre communauté, ça représente bien nos valeurs, etc. Mais si on publie 2 heures après, c'est fichu, l'information elle est plus à jour, donc en fait ça ne nous représente plus parce que ça va passer à la trappe. Donc il y a à la fois un jeu qu'on doit faire par rapport au flux d'informations, on doit s'inscrire dans ce flux-là, et en même temps on a aussi des opérations de sélection à faire qui sont très rapides. Donc on a moins ce temps de la réflexion sur soi. Donc là, on est dans un rapport donc, au temps qui est différent. Et donc, pour finir, le numérique implique une sorte d'écologie, d'écosystème informationnel qui est spécifique, parce que donc il y a des logiques par exemple de l'indexation, donc les traces qu'on laisse, les traces que laissent les groupes, les entreprises, etc. sont classées, qu'on a un petit peu de marge de manœuvre sur ce classement, mais pas comme ça, qu'il y a donc à la fois des effets de déterminisme, de ce qu'on pourrait appeler du déterminisme technique, mais aussi du déterminisme social. Donc il y a des inégalités qu'on est tout le temps en train d'essayer un petit peu de négocier. Cette sorte d'écosystème ou cette sorte de climat informationnel dans lequel plonge le numérique a même appelé certains auteurs à s'interroger sur un meurtre de l'information au sein du numérique. En fait, en faisant référence au phénomène que le numérique maximise encore le nombre d'informations auxquelles on a accès et qui sont des informations de nature très différente. Informations sur le monde, informations sur mon voisin, sur moi, sur la vie de l'humanité, sur la science, etc., etc. Et que donc, on est dans une sorte de magma d'information, dans ce qu'on appelle aussi un phénomène d'infobésité, où il y a beaucoup, c'était déjà le cas auparavant avec les livres, mais là c'est encore plus exponentiel, il y a beaucoup plus d'informations à disposition que je ne serais jamais capable d'en lire ou d'en trier. Et il y a donc, cela engendre notamment une difficulté de faire confiance aux informations que l'on voit passer ou auxquelles on est exposé. Et en ce sens-là, le phénomène des fake news, très à la mode cette année depuis l'élection de Trump, notamment l'élection de Trump, illustre tout à fait cela, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à la fois via le numérique de mieux s'informer, de s'informer plus vite aussi, de collaborer plus facilement, mais également cette exposition plus grande que l'on subit, ou en tout cas qui existe, à de l'information qui est fausse, non vérifiée, non vérifiable, et qui a quand même joui d'une certaine visibilité. Donc sur ce plan-là, en fait, l'information reste la matière première de ce qu'on peut appeler la culture numérique. Mais cette information-là, donc, elle a différentes valeurs, différentes sources, différents usages que l'on n'est pas toujours en mesure d'évaluer correctement. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, ça. C'est le plaidoyer pour la vraie information sur la culture numérique. Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, quand je sais que je bombarde beaucoup d'idées, tout n'est pas nécessairement à... Enfin, ça, les grands mots-clés que je vous mets ici, c'est vraiment les idées que je veux que vous reteniez. Après, moi, quand je commence, j'essaie de faire des liens, j'associe des idées complémentaires. Mais... Pour l'examen, et vous allez en parler vendredi, mais c'est pas donc un examen de par cœur. Ce qui compte, c'est vraiment plus de vous rappeler des thématiques particulières ou des types de problèmes de communication qu'on peut associer au numérique et les différents cas que vous avez vus et analysés aussi en séance d'exercice. C'est davantage dans cet esprit-là aussi que vous devez réviser. Donc c'est faire des transpositions entre des réflexions plus conceptuelles, théoriques et des enjeux, des réalités numériques sur lesquelles vous avez travaillé aussi pour vos TP de demain. Est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, donc, on va de toute façon à poser les questions que vous voulez, sur que ce soit cette séance ou sur les précédentes, via l'UV avant vendredi. Pour nous permettre d'y répondre correctement. Et on reste joignable par mail. Donc, bon courage, bonne révision. On se voit demain. Plus tard. Sinon, bien sûr.